C'est deux questions pour Patrick Petitjean, mais j'en réserve pour ne pas être trop bavard. Deux questions. La première, c'est dans certains domaines, le comité d'évaluation à l'ANR est affublé d'un comité stratégique, n'est-ce pas ? Je crois que vous en étiez plutôt dispensé, puisque vous faites de la recherche fondamentale. Donc vous n'avez pas d'expérience de l'intervention ex post des comités stratégiques dont la fonction est, je le rappelle, dans le texte, sur la base des évaluations scientifiques, changer éventuellement des classements en fonction de la pertinence de la recherche pour les objectifs de l'ANR. Donc ça, vous n'avez pas d'expérience de ça. Je crois que c'est comme des pilotages, ça s'appelle, non ? Oui. C'est pas une comité d'évaluation et comité de pilotage, c'est au-dessus. Concernant, enfin, moi je connais quelqu'un, qui participait à ce comité, et il me voit en me disant on sait pourquoi. Il ne se passe rien dans ce comité. Très bien, c'est une réponse plutôt rassurante. Et la personne m'a dit mais qu'est-ce que je fais là, enfin, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'ANR. Non, je pense qu'elle a besoin d'un classement, et après le comité de pilotage, il sert juste de... Oui, enfin, c'est justement de donner des grandes orientations, mais en fait, bon, voilà, il n'y a pas de grandes... Après, je ne veux pas répondre pour l'ANR, je pense que quelqu'un de l'ANR aurait une réponse différente, bien entendu. Ça, c'est une réponse d'expérience. Je pense que ça sert à rien. Et ma deuxième question... Je ne vous dis pas ce que je pense du président de l'ANR. Ce n'est pas à l'ordre du jour, je pense. Ma deuxième question porte sur un critère éventuel d'évaluation des projets soumis à l'ANR. Est-ce que vous en tenez compte ? Voilà, on le sait bien, ce type de recherche produit massivement des précaires. Massivement. Alors, ça, c'est fâcheux de tout point de vue, mais concentrons-nous sur l'aspect scientifique. Il y a des organisations du travail plus efficaces que d'autres. Et la question du statut des personnels contribue, je crois, en tout cas dans mon expérience des sciences sociales, contribue à renforcer l'efficacité d'une équipe ou au contraire la rendre très problématique. Donc ça, je voulais vous demander si, lorsque vous examinez des projets, vous prenez en compte la question de la division du travail et de sa pertinence, disons, dans l'évaluation. Je pense que c'est quelque chose qui doit dépendre d'un comité à l'autre. C'est-à-dire, je pense que peut-être en SHS, ils essayent de tenir compte de ce genre de choses. Ça, je pense qu'il y a un peu dans le vu. Je ne sais pas. Ça. Nous, disons, la seule chose qu'on regarde, c'est est-ce que vraiment le projet a besoin de tel postdoc exactement à l'endroit où il le demande. Mais disons que il y a une tendance quand même je pense que ça, par contre, je pense que les comités sont d'accord avec l'orientation de l'ANR qui dit vous n'avez pas à regarder dans le détail le budget, etc. Vous devez regarder le projet scientifique. Et je pense que beaucoup de personnes dans les comités considèrent que c'est assez juste. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas pinailler le budget en général qui est dominé par le personnel. Donc, c'est pour ça que je dis budget. Le budget est dominé par le personnel. Donc on ne doit pas trop pinailler ce genre de choses, parce que ce qui compte, c'est de savoir, surtout qu'il y a très peu de projets qui sont acceptés, est-ce que le projet scientifique est important. Et dans ce cas-là, il a besoin effectivement d'un apport. En particulier d'un apport en personnel. Sur la précarité, évidemment, c'est un sujet un peu délicat. Moi, en astrophysique, ce que je dis aux gens, ce que je dis aux jeunes, je dis aux étudiants, etc., je leur dis vous savez que c'est difficile, vous avez 5 ans de vie pour faire ce que vous aimez, vous êtes chercheur ou pas. Donc pendant 5 ans, vous allez faire une chose extraordinaire, quel problème de changer ? Je veux dire, c'est pas... C'est... Bon... Après, moi, j'aimerais bien qu'on recrute plus de gens. C'est pas le problème. Il faut être en face aussi. Et donc, peut-être différent en astrophysique qu'ailleurs, hein, je ne sais pas. Un astrophysicien, c'est, bon, c'est, il ne faut pas rêver. On ne peut pas embaucher tous les jeunes qui veulent faire de l'astrophysique, ça c'est clair. Donc moi je les encourage au contraire à faire de l'astrophysique, pas parce qu'ils vont avoir un boulot, mais parce qu'ils vont faire quelque chose qui les motive, et quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, en étant préparé ou en se préparant à ce que ça rate à la fin. Enfin, ça rate. Ce que je dis, c'est pas un échec, hein, parce qu'après, vous pouvez rebondir, etc. Ben voilà. Enfin, bon, ça, c'était une remarque, parenthèse, sur la précarité, en fait. J'ai pas ce genre de... En tout cas, je pense que c'est un peu dommage pour un jeune arrivé en première année de se poser la question, est-ce que je vais être embauché ou pas. Ça va, enfin, moi, ce que je dis aux jeunes. Ils viennent pas toujours me voir, après. Quand ils viennent me voir, je peux vous garantir qu'ils sont motivés. Moi, je suis cassé sur un bon crayon de rapporteur à l'ANR. Un bon crayon de rapporteur à l'ANR, enfin, des tas de dossiers qui sont sans être vraiment rapportés, en tout cas dans mon domaine, qui est plutôt biophysique, biochimie, bioinfo. Et je me demandais, en fait, enfin, justement là, est-ce que il n'y aurait pas un biais entre les. Enfin, un biais d'évaluation dû à l'acceptation d'être rapporteur ou de ne pas être rapporteur. Est-ce qu'on sélectionne un certain type d'évaluateur? Pour moi, il y a un biais effectivement sur le choix des rapporteurs, parce que c'est l'ANR hein, qui choisit les rapporteurs. C'est-à-dire qu'en fait, le comité. Enfin, d'ailleurs, ça a changé ça. Ça ne fait pas lier. Bon, il ne faut pas dire, les règles de l'ANR peuvent changer d'une année sur l'autre. Oui, c'est 5 ans. Mais donc, la première année où j'étais président, c'est nous qui décidions des rapporteurs. D'accord ? Donc, on se réunissait et on proposait des rapporteurs. D'accord ? Et ça a changé. Et en fait, maintenant, ça se fait par mots-clés. C'est que les rapporteurs. Rapporteur ANR, vous remplissez les mots-clés, quoi, et puis après on vous envoie des dossiers par mots-clés. Là, c'est vraiment l'ANR qui fait tout de ce point de vue. Et après, si. Donc, à mon avis, ça, c'est un biais. Ça peut amener un biais, en tout cas, le choix des rapporteurs. Et après, il y a des rapporteurs qui refusent. Et là, les mots-clés descendent. Du coup, moi, j'ai une question. C'est sur, quand vous dites, c'est l'ANR qui décide. C'est qui l'ANR? Ah, ça, je... Oui. C'est-à-dire, quand vous dites l'ANR, il fait la moyenne des notes, etc. Enfin, et ben, on ne sait pas. Franchement, enfin, les gens du comité ne savent pas. Derrière, il y a le comité de pilotage, mais ce n'est pas le comité de pilotage qui fait la règle. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans le comité de pilotage, il y a des responsables de programme. Mais vous n'aviez peut-être pas des responsables de programme dans votre... Le comité de pilotage, c'est indépendant du comité scientifique. D'accord. Et on ne les voit pas. Vous ne les voyez pas du tout. Donc en fait, il y a quand même une instance au sein de l'ANR qui décide des règles. D'accord. Et qui. Bon, et vous ne les connaissez pas, ce n'est pas des pairs, ce n'est pas des collègues. D'accord. Du coup, j'en. Ouais. Christine. Par rapport justement au rapporteur, comment se constitue ce stock entre les rapporteurs? Parce que c'est sur le volontariat, la cotation. C'est, des propos, enfin, c'est une base de données, disons, qui a été construite petit à petit par l'ANR. Et c'est vrai que, donc, comme je dis, il y a 3 ans, c'était les comités qui proposaient les rapporteurs. Et donc ça rentrait dans la base de données. Et donc on peut aussi, nous-mêmes, proposer des rapporteurs après, en particulier quand ça commence à devenir critique, on reçoit des mails, tout ça, il faut... Enfin, disons, et Donc le comité de fait, hein, enfin, mais quand il y a crise, le comité repropose des rapporteurs, etc. Et votre interlocuteur, justement, au sein de l'ANR, c'est une personne par comité, avec un représentant scientifique. Et c'est quand même lui qui drive pas mal. En particulier, par exemple, pour la composition aussi du comité. Moi, cette année, je vais aller parce que, alors qu'avant, le président était intimement associé à la composition du comité. Cette année, non. C'est ANR, donc principalement cette personne, en l'occurrence, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est cette personne. Bon, après, il y a toujours des contacts après à droite à gauche. Hein, enfin, c'est cette personne principalement qui a composé le comité. Enfin, le président n'a pas. Alors bon, comme j'ai râlé suffisamment fort, bon, après on peut toujours s'arranger, quoi. Mais il faut que, en tout cas j'ai râlé pas mal, parce que je dis, bah, ça va pas. Donc après ça s'arrange, parce que bon, il y a un interlocuteur, bon, bah, on peut discuter, machin, etc. Enfin disons que bon, la règle c'est que c'est l'ANR qui décide. Oui. Est-ce qu'il y a des comités, je ne sais pas si c'est des stratégies, des pilotages, mais des chercheurs vraiment qui font partie de comités, donc des chercheurs bien placés, des positions dominantes, on va dire, qui préparent pendant une année auparavant les sujets sur lesquels vont être lancés des appels à projets. Est-ce que vous avez des liens avec ça? Parce qu'en général, moi, ce que j'ai pu voir dans ma discipline, oui, en sociologie, où j'ai reconnu sur des thèmes. Alors ensuite, ce n'est pas ceux qui font partie de ces comités qui décrochent directement, qui sont chefs de projet, mais c'est le copain, quoi. C'est le copain, c'est celui du labo. Ça, c'est quoi. Pour je suppose que c'est les... Comment ça s'appelle? Les appels ciblés. D'accord. Ça, bon... Ils sont bien préparés à l'avant, bien téléphonés, et on reconnaît très bien les gens qui ont préparé leur copain. C'est les appels ciblés. C'est sociétaux, défis sociétaux. Dans ce cas-là, oui, il y a probablement des chercheurs qui sont associés. Qui proposent des thèmes sur lesquels ils vont inciter leurs amis à prendre. On a pu observer il y a quelques années. C'était très clair. Dès qu'on connaissait les réseaux. Parce que, effectivement, dans un des présidents qui a passé ce genre de choses, ce genre de problème. Et c'est aux endroits où il y a des défis sociétaux. En fait, vous dirigez un programme blanc. Oui, c'est une discipline. Oui, ça c'est très important. Ah oui, c'est bien. Qui sont mis. Ça peut être trop noir. Des programmes qui sont très minoritaires dans l'usage du budget de l'agence. D'accord. Oui. Je voulais dire sur la Excusez-moi. Très minoritaire, mais pour la communauté, ça représente un pan du budget qui est non négligeable. D'accord. Sur le principe de notation et de classement que vous avez mis en place avec des pourcentages, puisque là on parle plutôt de comité de matheux, mais par exemple en sciences humaines, puisque c'est vous-même en tant que président qui avez défini ce. Mais j'imagine mal, moi, mes collègues en sciences humaines, appliquer ce type de notation très scientifique et du coup, Bon, là, je vais répondre, excusez-moi. Je vais répondre ce que je réponds à des étudiants de l'ALIN. Écoutez, c'est pas des maths. Pas des maths. Non, mais. N'importe qui. Même le comité de SHL. Avant, c'était au coup moyen 2. Maintenant, c'est plus au coup moyen 2. C'est pas dans les principes. Oui, non, mais ça, par contre, on nous a dit ça en particulier que les SHS ne voulaient pas, par exemple, c'était. Enfin, ce qu'on nous a dit comme argument, alors je ne sais pas si c'est bon, que, par exemple, quand on a dit, enfin, la normalisation des notes, c'est quelque chose de tout à fait standard. On nous a dit que les comités SHS ne voulaient pas entendre parler de ça. On nous a dit aussi que les comités de SHS fonctionnaient en comité complet. Donc effectivement, ça tend dans votre sens. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'auraient pas voulu faire plusieurs sous-comités dans un comité. On nous a dit ça. On a du mal à croire que les comités SHS soient prescripteurs de normes à l'ANR. Non, à l'intérieur de notre comité. D'accord, mais de dire, va pas faire tel titre parce que les SHS refusent de le faire. Ou ah oui, oui, ouais, c'est ce qu'on nous dit à nous. Hein, ouais, ouais, ouais. Non, parce qu'en fait, je n'ai jamais participé à un comité ANR, mais j'ai un témoignage direct d'un haut responsable ANR SHS qui m'a affirmé que lui, au contraire, standardisait toutes les notes pour éviter cet effet de ceux qui notent entre 4,5 et 5 et ceux qui notent entre 1 et 2. Voilà. Donc il y avait une normalisation en SHS, dit-il. Après, j'en sais rien. Ça, il peut le faire au sein de son comité. D'accord ? Mais au sein du comité, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de le faire, parce qu'en fait, vous les voyez, les notes. Vous les voyez, vous discutez, il y a une discussion, enfin, tout est clair. Ce qui ne peut pas faire, ça c'est sûr, c'est pour le premier, ce dont je parle, c'est la première étape. Parce qu'à la première étape, là, c'est les notes. Et c'est vraiment l'ANR qui dirige, hein, c'est-à-dire que le président ne voit rien. Pas rien, il y a un petit machin, je veux dire, enfin, c'est un peu compliqué, etc., mais c'est presque rien. Donc la première étape se fait sur des notes, et il n'y a pas de normalisation, etc. Moi, je suis heureux d'entendre, donc, dans SHS, oui, on pourrait normaliser les notes. Mais il y a ce qu'on nous a dit, hein, attendez, puis, enfin, 3 ans de suite, on a râlé, enfin, tout le monde semblait d'accord, hein, je veux dire. On nous a dit, voilà, l'ANR, non. Alors, qui est l'ANR à le savoir, je ne sais pas. Ce qui est étonnant, c'est qu'en tant que président d'un comité, on pouvait penser que vous étiez aussi l'ANR. Non, justement, voilà, je sais la position, mais beaucoup de gens pensent, et on s'adresse à, souvent ils s'adressaient à moi, alors là, ils pouvaient aussi ça. Mais non, le comité, c'est un comité d'experts qui est là pour, voilà, vous avez ces projets-là, vous les classez. Et du coup, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une très grande latitude des comités pour s'organiser une fois cette phase 1 passée. Là, par contre, l'ANR, à ce moment-là, ne prescrit pas des fonctionnements, etc. Parce qu'on attend juste le fonctionnement interne du classement en phase 2 est totalement laissé à l'appréciation du comité. Petite question pour le CNRS, c'est juste le lien entre. Est-ce que maintenant au comité national du CNRS, j'ai fait ma thèse il y a longtemps à l'époque Kowalski sur le comité national, mais est-ce que vous tenez compte, par exemple, comme critère d'évaluation, des équipes qui ont décroché une ANR? Enfin, c'est plutôt des chercheurs individuels, maintenant on comprend bien, ça sème un peu ça accentue la différenciation dans les labos, mais est-ce que c'est pris en compte, est-ce que la communauté du comité national joue le jeu de l'ANR ou est-ce que ça devient. Ça peut devenir un critère d'évaluation très rapide, encore plus rapide que compter les publications. Oui. J'avais demandé à l'actuel président de venir avec moi pour donner, parce que c'est les pratiques évoluent. Moi, qui en remonte, il n'avait pas ce poids-là. Je pense que pas trop, il y a un aspect collectif dans les choses de l'ANR qui collait moins avec le rapport individuel. Ça doit jouer. Hein. Ce qui joue beaucoup, c'est le RC, donc il se fait l'ANR. Voilà. Mais c'est vrai que ça doit être un élément. J'aurais une question pour toi, Pascal, mais qui est en fait comparative entre le comité national de la recherche scientifique et l'ARS, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour la poser. Ça, mais disons, en gros, c'est la question que tu disais que c'était essentiel, l'apprentissage, le travail commun, pour moi, c'est la section. Et le principe même à l'ARS, c'est de constituer des comités d'experts qui se séparent après leur intervention. Et ça, j'aimerais qu'il y ait un débat qui peut-être s'instaure entre ces deux expériences. Voilà. Je crois que ce serait une bonne expérience. Ils ne font que l'équivalent de la première année. Et c'est par expérience très, très, très, très difficile. Et il faut vraiment. Cette notion d'apprentissage est cruciale pour moi. C'est pour ça que j'ai demandé tout de suite s'il y avait renouvellement des personnels ou non. C'est un élément crucial de la situation. Il faut connaître un peu. Il y a une culture, quoi. Alors moi, j'ai des questions un peu différentes. Parce que justement, c'est un point que je n'étais pas tout à fait d'accord. Parce que sur les sections, hein, sections parce que moi, ce que j'ai constaté aux sections, pour les astronomes, il y a aussi spécial. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, enfin, en particulier pour le recrutement des jeunes, pour le recrutement, qui est quand même la chose la plus compliquée. Oui, bien sûr, bien sûr. La plus difficile. Je crois que 4 ans, c'est vraiment trop long. Et ou alors, il faudrait renouveler une partie, etc. Parce que je suis au contraire, je pense que quand on débarque, bien les choses justement ne sont pas figées. Bah, les gens sont grands, hein, ils arrivent, ils ont quand même une expérience de la recherche. Bon, il y a les A et les B, on est d'accord. Enfin bon, quand même, il me semble que c'est plus dynamique que 4 ans après, où les gens commencent à fatiguer sérieusement. Oui. Ils se connaissent justement un peu trop. Je trouve que, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Je rajouterais qu'il y a un optimum peut-être, hein, troisième année, d'accord. mais sur la question des pratiques d'apprentissage, qui est un excellent sujet, ça dépend évidemment des comités. Il faut que ça discute. Normalement, il y a plusieurs exercices. Un exercice, je ne vais pas rappeler, je vais défendre le CEO de CNRS pour ça. Un exercice crucial, rapport de conjoncture. C'est un truc très lourd qui demande beaucoup de choses, mais qui fait que l'ensemble de cette communauté réfléchit à la situation de l'un. Ça, c'est crucial. Et ça donne à des débats contradictoires. Et puis, je veux dire, il y a des comités qui fonctionnent bien, qui ne fonctionnent pas bien. Ne serait-ce que le débat sur les revues nous a amené à avoir des rencontres, ou à avoir des gens qui s'occupaient d'organiser des rencontres par école de pensée, presque par thématique, etc. Donc ça, ce n'est pas des choses qu'on peut avoir. On a une connaissance, du milieu qui est un faible petit pinceau de lumière quand on n'est pas dans ce genre de choses. Et quand il n'y a pas beaucoup de candidats parce que c'est long, c'est fastidieux, ça demande du boulot. Mais moi, je leur dis toujours... Mais ce n'est pas rémunéré. Vous allez... Il y a la rémunération qui joue et puis il y a aussi la non-présentation. Hein. Il y a aussi, quand on fait attention dans un comité, on ne doit pas défendre, on doit sortir, etc. Donc on brime un peu, on se brime. Si on, pour avoir de bons chargés, c'est un peu gênant. Hein. C'est vrai qu'il y a des limites à tout ça. Mais sinon, la procédure d'apprentissage, alors je serais d'accord qu'il y a une fatigue parce qu'on demande trop, mais le gradient est nettement positif, 1, 2, 3. Hein. Et en plus, encadré par ce genre de plénière ou de discussion. Donc c'est une expérience. J'ai passé mon temps à essayer d'envoyer des gens. Hein. Je ne suis pas revenu d'une gaieté de cœur une deuxième fois comme ça. Hein. Mais et puis il y en a eu et ça a bien marché. Mais il faut que ça discute, effectivement, parce qu'il y a aussi des comités qui, pour des raisons ou d'autres, peuvent se planter complètement dans des coalitions. Et on tombe là-dessus, c'est vrai. Hein, c'est vrai, il y a ce risque-là. Mais je pense qu'il vaut la peine et qu'on y gagne beaucoup à ça. Alors on peut trouver d'autres formes d'apprentissage, hein. C'est mêler les chercheurs, les communautés de chercheurs à ces débats un peu plus souvent, mais c'est pas du tout évident que quand on prend moi j'ai eu des expériences à l'ARS aussi, c'est beaucoup plus dur de créer ça avec des gens qui viennent d'arriver là-dessus, etc. Ça se fait pas en un coup. Il retombe sur les problèmes que vous signaliez pour les jurys d'ANR. Je pense que c'est un vrai problème que d'assurer certaines cultures de l'évaluation, que faire comprendre, créer une atmosphère où chacun n'a pas l'impression qu'il est là pour défendre sa chapelle, etc. Qu'il y a un objet. Et il y a aussi, pour les entrées des jeunes, qui sont effectivement très importants, il y a une vision après, il y a des effets. Les effets de rattrapage dont vous parlez là, c'est des choses qu'on peut faire sur les entrées après. Une communauté qui n'a pas démérité, n'a pas eu, etc. Donc il y a des rectifications. Bon, tout n'est pas parfait, hein, c'est pas une solution unique. Mais c'est très important d'avoir dans ces pratiques d'évaluation. Alors on peut imaginer que tous les chercheurs dans toutes les unités soient plus au courant de ces problèmes d'évaluation. D'ailleurs, chez nous, il y a un site web. Je ne sais pas si dans toutes les sections. Mais c'est vrai qu'on pourrait amener les gens plus à suivre un peu. On partait de situations où, concernant notre discipline, les gens arrivaient et avaient très peu réfléchi, soit dans le cadre de comités de liaison ou autre, ces problèmes d'évaluation. Et les gens arrivent en disant bah, « je vais défendre mon titre ». Il n'y a pas eu de débat au CNRS comme au CNU sur les sections d'économie et sur la création de... Si, il y a eu des divisions, des possibilités de créer d'autres sections, etc. Si, si. ça n'annule pas des tensions majeures pour autant, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est l'économie qui est quand même traversée de fortes oppositions comme celle dont je vous ai rappelé là. Même de leur point de vue, les choses ont été balancées. Alors, tenant compte de cette position dominante, oui. Ça n'annule pas toutes les contradictions, mais ça montre que c'est pire quand on n'a pas ces pratiques. Ça met un peu de décence sur des oppositions de chapelle, quoi. Et de volonté de faire quelque chose, sortir un peu de